avenir. Il est caché dans ton corps. Et les clés que j'aime utiliser n'ouvriront pas ta porte. Regarde-moi donner ma vie. Regarde-moi changer la tienne. J'immortaliserai aujourd'hui pour que demain s'en souvienne. Tu demanderas si je te mens. Mon cœur parlera directement. Ferme les yeux, écoute-le dire tout ce que je pense de toi maintenant. Je ne cherche aucune ressemblance. Savoir que tu ne fais pas semblant, c'est suffisant pour me persuader qu'avec toi rien ne sera comme avant. Laisse-moi te voir quand c'est fini. Te voir après que tout ça soit terminé. Laisse-moi te voir quand c'est fini. Avant c'était terminé. Petit pour ne pas choquer Cendrillon. Je pensais finir seul à vieillir. L'amour c'est pas pour tout le monde. J'ai laissé mon corps les choisir. Mon cœur ne donnait plus de réponse. On a presque aucun rapport. Et alors, pour se compléter la différence et même obliger, on s'aimera bien plus fort. Viens me prouver que j'ai tort. La fin du film au cinéma comme dans les clichés. Laisse-moi te voir quand c'est fini. Te voir après que tout ça soit terminé. Laisse-moi te voir quand c'est fini, avant c'était terminé. Persuadé qu'aujourd'hui rien n'arrive par hasard. Dis-moi, y'a qu'à l'œil nu qu'on contemple une œuvre d'art. C'est quand je te vois que je réalise que